la douleur de ton mépris et les cicatrices de l'amour disparaîtront en un clin d'œil. C'est pour ça que le temps est fait, c'est pour oublier, faire le deuil. Un jour tout sera du passé. Combien de temps avant que je n'arrête de rêver de toi? Combien de temps avant que je ne stoppe mes larmes? Combien de temps, combien de semaines, combien de mois? Enfin je baisse les armes, l'amour c'est vif et incertain. On sait tous que ça finit bien un jour. Il suffit de tout, il suffit de rien pour se retrouver seul et à court d'idées, plein de chagrin et de sentiments opposés. Seul à ronger son frein, on ne s'y fera jamais assez. Combien de temps avant que de te voir je n'ai plus mal? Combien de temps avant que le monde reprenne une couleur? Avant que je n'aime une autre femme, combien de temps avant que je n'aie plus peur? J'irais bien mieux, c'est ce qu'on dit, mais pour le moment, la tristesse et le dépit l'emportent à chaque instant. J'irai bien mieux, je le sais, quand enfin tu me diras combien de temps avant que je ne te reprenne dans mes bras. Combien de temps avant que je n'arrête de rêver de toi? Combien de temps avant que je ne stoppe mes larmes? Combien de temps, combien de semaines, combien de mois avant que je baisse les armes? Combien de temps avant que de te voir je n'ai plus mal? Combien de temps avant que le monde reprenne une couleur? Combien de temps avant que je n'aime une autre femme? Avant que je n'ai plus peur. Thank you.